Comment pratiquer la gratitude en spiritualité? Introduction. La gratitude est une émotion puissante qui revêt une immense signification dans le domaine de la spiritualité. Cela va au-delà du simple merci et plonge dans une profonde appréciation des bénédictions et de l'interdépendance de la vie. Dans les pratiques spirituelles, la gratitude est considérée comme une force transformatrice qui cultive une relation harmonieuse avec le divin et favorise la croissance intérieure. Cet article explore le concept de gratitude dans la spiritualité, offrant des idées sur la façon de pratiquer la gratitude et d'exploiter ses effets transformateurs. De la compréhension de la signification de la gratitude dans les pratiques spirituelles à son adoption dans la vie quotidienne et dans les relations, nous explorons différentes manières de nourrir un état d'esprit reconnaissant et d'expérimenter les profonds avantages qu'il apporte à notre voyage spirituel. 1. Comprendre le concept de gratitude dans la spiritualité. Le sens et la signification de la gratitude dans les pratiques spirituelles. La gratitude est comme la sauce secrète de la spiritualité. Elle ajoute de la saveur et de la profondeur à nos pratiques spirituelles. Dans sa forme la plus simple, la gratitude est la pratique consistant à reconnaître et à apprécier les bonnes choses de notre vie. Il s'agit de reconnaître les bénédictions, grandes et petites, qui nous parviennent et d'éprouver un profond sentiment de gratitude à leur égard. Mais dans la spiritualité, la gratitude va au-delà du simple fait de dire merci lorsque quelque chose de bien se produit. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'appréciation et de reconnaître l'interdépendance de toutes choses. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous exprimons notre gratitude envers le divin, l'univers ou toute autre puissance supérieure en laquelle nous croyons. La relation entre gratitude et spiritualité. La gratitude et la spiritualité vont de pair. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la gratitude est considérée comme une voie vers une connexion plus profonde avec le divin. C'est une manière de s'aligner sur l'énergie positive de l'univers et de s'ouvrir à l'abondance qui nous entoure. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui manque dans notre vie vers ce que nous avons déjà. Nous devenons plus conscients de la beauté et de la bonté qui existent en nous et autour de nous. Cette prise de conscience nous aide à cultiver un sentiment de contentement, de paix et de joie, essentiel à la croissance spirituelle. 2. Cultiver un état d'esprit reconnaissant. Le rôle de la pleine conscience dans le développement de la gratitude. La pleine conscience est comme une salle de sport pour nos muscles de gratitude. En pratiquant la pleine conscience, nous devenons plus présents dans l'instant présent, ce qui nous permet d'apprécier et de savourer pleinement les expériences et les bénédictions de notre vie. Cela nous aide à ralentir et à remarquer les petites choses qui passent souvent inaperçues, comme la chaleur du soleil sur notre peau ou le chant des oiseaux le matin. Lorsque nous abordons la vie avec pleine conscience, nous nous ouvrons aux merveilles de chaque instant et trouvons des raisons d'être reconnaissants, même dans les choses les plus simples. Alors, respirez profondément. Soyez à l'écoute de vos sens et laissez la pleine conscience vous guider sur le chemin de la gratitude. Perspective changeante, reconnaître et apprécier les bénédictions. La gratitude ne consiste pas seulement à être reconnaissant pour les bénédictions évidentes de nos vies. Il s'agit également de changer de perspective et de reconnaître les bénédictions cachées qui peuvent être déguisées en défis ou en difficultés. Parfois, les situations les plus difficiles peuvent nous enseigner de précieuses leçons ou nous conduire à des opportunités de croissance inattendues. En cultivant un état d'esprit reconnaissant, nous nous entraînons à voir les bons côtés, même dans les nuages les plus sombres. Nous commençons à apprécier la croissance qui découle des défis, le soutien de nos proches dans les moments difficiles et la sagesse acquise grâce à nos propres expériences. Il s'agit de changer notre perspective et d'adopter une approche de la vie centrée sur la gratitude. Abandonner la négativité, la gratitude comme outil de transformation. La négativité peut être comme un moustique embêtant qui bourdonne dans nos oreilles, drainant notre énergie et obscurcissant nos pensées. Mais la gratitude a le pouvoir d'éliminer ces moustiques négatifs et d'apporter plus de positivité dans nos vies. Lorsque nous pratiquons activement la gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui ne va pas vers ce qui est bien. Nous entraînons notre cerveau à rechercher le bien, même dans des situations difficiles. Ce changement d'orientation améliore non seulement notre bien-être mental et émotionnel, mais nous aide également à transformer nos vies. En abandonnant la négativité et en embrassant la gratitude, nous créons un espace pour que plus de joie, d'abondance et d'épanouissement affluent dans nos vies. 3. Exprimer sa gratitude à travers des rituels et des pratiques. Le pouvoir du journal de gratitude. Si vous aimez faire des listes, ou même si vous détestez ça, un journal de gratitude pourrait être fait pour vous. Il s'agit d'une pratique simple mais puissante qui consiste à écrire régulièrement des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Qu'il s'agisse d'un rituel quotidien, hebdomadaire ou mensuel, prendre le temps de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut vous aider à changer votre état d'esprit et à cultiver un sentiment d'appréciation plus profond. Prenez un cahier, un journal de gratitude sophistiqué ou utilisez simplement l'application Notes sur votre téléphone, peu importe la façon dont vous le faites, du moment que vous le faites. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et observez comment cette pratique transforme votre point de vue et apporte plus de positivité dans votre vie. Pratique de bénédiction et de remerciement dans les traditions spirituelles. La gratitude est un élément essentiel des traditions spirituelles depuis des siècles. De nombreuses pratiques spirituelles intègrent des rituels et des cérémonies qui impliquent la bénédiction et le remerciement du divin, de la nature ou d'autres êtres. Ces rituels peuvent prendre diverses formes, comme allumer des bougies, faire des offrandes ou réciter des prières de gratitude. Que vous suiviez ou non une tradition spirituelle spécifique, vous pouvez créer vos propres pratiques de bénédiction et de remerciement. Vous pouvez allumer une bougie et dire quelques mots de gratitude avant de commencer votre journée ou créer un petit autel avec des objets significatifs qui vous rappellent d'être reconnaissant. Trouvez ce qui vous parle et imprégnez votre quotidien de ces rituels de gratitude. Technique de méditation et de visualisation de gratitude. La méditation et la visualisation sont des outils puissants pour nous connecter avec notre moi intérieur et cultiver la gratitude. En intégrant la gratitude dans notre pratique de méditation, nous pouvons approfondir notre sentiment d'appréciation et nous ouvrir à l'abondance de l'univers. Au cours d'une méditation de gratitude, vous pouvez concentrer votre attention sur des choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant, comme les proches, la santé ou les réalisations personnelles. Visualisez ces bénédictions et laissez les sentiments de gratitude remplir votre cœur. Permettez-vous de vous imprégner des émotions positives et laissez-les se propager vers l'extérieur, rayonnant de gratitude dans tous les aspects de votre vie. 4. Gratitude et pouvoir de la prière. Intégrer la gratitude dans les pratiques de prière. Pour ceux qui s'engagent dans la prière dans le cadre de leur pratique spirituelle, la gratitude peut être un compagnon naturel. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses. C'est aussi l'occasion d'exprimer sa gratitude pour les bénédictions de nos vies. En incorporant la gratitude dans nos prières, nous approfondissons notre lien avec le divin et reconnaissons les dons que nous avons reçus. La prochaine fois que vous vous engagez dans la prière, prenez un moment pour exprimer votre gratitude envers les personnes, les expériences et les opportunités de votre vie. Laissez vos prières être une expression sincère de remerciement et permettez-vous de ressentir la gratitude qui vous traverse. La prière comme moyen d'exprimer sa gratitude dans la spiritualité. La prière est un outil puissant pour exprimer sa gratitude dans la spiritualité. C'est une façon de communiquer avec le divin et d'exprimer nos émotions et nos intentions les plus profondes. Lorsque nous prions avec un cœur reconnaissant, nous nous souvenons des bénédictions et de l'abondance qui nous entoure. Dans vos prières, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Laissez vos prières être une célébration de la bonté dans votre vie et un moyen d'exprimer vos remerciements au divin. Que vous priez en silence, récitiez des prières traditionnelles ou parliez avec votre cœur, laissez la gratitude être une force directrice dans votre pratique spirituelle. 5. La gratitude comme chemin vers la paix intérieure et la transcendance. La gratitude comme catalyseur de croissance spirituelle. Lorsqu'il s'agit de croissance spirituelle, la gratitude agit comme un ingrédient magique. Il a le pouvoir de transformer notre perspective et d'élever notre conscience. En cultivant la gratitude, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et invitons l'énergie positive dans nos vies. Chaque acte de gratitude devient un tremplin sur notre chemin spirituel, nous guidant vers la paix intérieure et la transcendance. Se connecter avec le divin par la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une expression de remerciement. C'est un moyen de se connecter avec le divin. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons les bénédictions et l'abondance qui nous entourent. Nous reconnaissons la présence de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qu'il s'agisse de l'univers, d'une puissance supérieure ou de l'interconnexion de tous les êtres. Grâce à la gratitude, nous créons un pont entre les domaines physiques et spirituels, nous permettant d'accéder à un profond sentiment de joie et d'épanouissement. Trouver la paix et la joie dans la gratitude. Dans ce monde où tout va si vite, trouver la paix intérieure peut être un défi. Cependant, la gratitude est la clé pour libérer un sentiment de calme et de sérénité au milieu du chaos. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous détournons notre attention des soucis et des angoisses. Nous prenons conscience des joies et des bénédictions simples qui passent souvent inaperçues. Cultiver la gratitude nous permet de trouver la paix dans le moment présent, en appréciant la beauté qui existe en nous et autour de nous. 6. Adopter la gratitude dans la vie quotidienne et dans les relations. Pratiquer la gratitude dans les actions et interactions quotidiennes. La gratitude ne se limite pas aux grands gestes ou aux occasions spéciales. Elle peut être intégrée dans notre vie quotidienne de manière simple mais significative. Qu'il s'agisse d'exprimer notre appréciation pour un geste gentil ou de savourer un délicieux repas, nous pouvons insuffler de la gratitude dans nos actions et nos interactions. En vivant avec la gratitude comme principe directeur, nous cultivons une atmosphère positive et édifiante autour de nous, bénéficiant à la fois à nous-mêmes et à ceux que nous rencontrons. Créer un rituel de gratitude avec vos proches. La gratitude peut être un lien puissant entre les êtres chers. Vous pouvez créer un rituel de gratitude avec votre famille ou vos amis, au cours duquel vous vous réunirez pour partager ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette pratique renforce non seulement vos relations, mais approfondit également vos liens les uns avec les autres et avec le monde qui vous entoure. En vous réunissant et en reconnaissant les bénédictions de votre vie, vous vous remontez le moral et créez une atmosphère d'amour et d'appréciation. Favoriser la gratitude dans les relations difficiles. Parfois, la gratitude peut être un défi, surtout dans les relations difficiles. Cependant, c'est précisément dans ces situations difficiles que la gratitude peut avoir l'effet le plus transformateur. En déplaçant notre attention du ressentiment vers la gratitude, nous recadrons notre perspective et nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Nous pouvons choisir d'être reconnaissants pour les leçons apprises, la force acquise ou même la croissance qui découle de relations difficiles. Grâce à la gratitude, nous pouvons favoriser la compréhension, la compassion et le pardon, même dans les circonstances les plus difficiles. 7. Surmonter les défis et cultiver la gratitude dans les moments difficiles. La gratitude comme source de force et de résilience. Dans les moments difficiles, la gratitude devient une source de force et de résilience. Cela nous rappelle les bénédictions que nous avons encore, même au milieu de l'adversité. En nous concentrant sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous puisons dans une source de force intérieure, qui nous permet de relever les défis avec courage et résilience. La gratitude nous permet de trouver les bons côtés, de rechercher des solutions et d'avancer avec espoir et détermination. Trouver l'espoir et l'appréciation dans les moments d'adversité. L'adversité offre souvent des leçons précieuses et des opportunités de croissance, même s'il peut être difficile de les percevoir sur le moment. La gratitude nous aide à trouver espoir et appréciation même dans les moments les plus sombres. Cela nous permet de changer de perspective et de reconnaître la force et la résilience que nous possédons. En cultivant la gratitude dans les moments d'adversité, nous nous ouvrons à la possibilité de transformation et trouvons la force de surmonter. Transformer la douleur et la souffrance grâce à la gratitude. La gratitude a le pouvoir de transformer la douleur et la souffrance en source de croissance et de résilience. Face aux difficultés, il peut être difficile de trouver de la gratitude. Cependant, en reconnaissant les leçons apprises et la croissance qui peut découler de telles expériences, nous pouvons commencer à transformer notre douleur et notre souffrance. La gratitude nous permet de trouver un sens à nos luttes, nous donnant la force de guérir et d'avancer avec une sagesse et une appréciation retrouvées. 8. Les effets transformateurs de la gratitude sur la croissance spirituelle. Élargir la conscience grâce à la gratitude. La gratitude agit comme un catalyseur pour l'expansion de la conscience. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous élevons notre conscience de l'interconnexion de tous les êtres et de l'harmonie de l'univers. Notre conscience s'étend au-delà de notre moi individuel et nous commençons à reconnaître le divin en toutes choses. La gratitude ouvre la porte à de profondes expériences spirituelles et approfondit notre compréhension de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. La gratitude comme chemin vers la réalisation de soi. La réalisation de soi est le voyage qui consiste à découvrir notre véritable essence et notre véritable objectif. La gratitude devient un élément essentiel de ce voyage. Au fur et à mesure que nous pratiquons la gratitude, nous devenons plus en phase avec notre moi authentique. Nous nous alignons sur nos valeurs, nos passions et nos aspirations. La gratitude illumine le chemin de la réalisation de soi, nous guidant vers une vie harmonieuse, utile et remplie de joie. L'effet d'entraînement, répandre la gratitude. Les effets de la gratitude s'étendent au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous créons un effet d'entraînement qui touche la vie de ceux qui nous entourent. Notre attitude de gratitude inspire et élève les autres, les encourageant à adopter un état d'esprit similaire. Plus nous exprimons notre gratitude, plus nous inspirons une culture d'appréciation, de gentillesse et de joie. En répandant notre gratitude, nous contribuons à la croissance spirituelle collective et au bien-être de nos communautés et du monde en général. Pensée finale. Pratiquer la gratitude dans la spiritualité est une passerelle vers une connexion plus profonde avec nous-mêmes, les autres et le divin. Cela nous permet de changer de perspective, de cultiver la paix intérieure et de nourrir la croissance spirituelle. En intégrant la gratitude dans nos rituels, nos prières et nos interactions quotidiennes, nous pouvons expérimenter une profonde transformation et puiser dans les bénédictions illimitées qui nous entourent. Rappelons-nous que la gratitude n'est pas seulement un sentiment éphémère mais un mode de vie, un outil puissant qui peut nous conduire vers la réalisation de soi et un plus grand sens du but. Alors que nous nous embarquons dans nos voyages spirituels, embrassons la gratitude comme un fil conducteur, nous rappelant toujours d'apprécier le moment présent et l'abondance qui s'y trouve. FAQ 1. La gratitude peut-elle être pratiquée sans croyance religieuse ou spirituelle spécifique? Absolument. La gratitude est une émotion universelle qui peut être pratiquée par n'importe qui, quelles que soient ses croyances religieuses ou spirituelles. Bien que la gratitude soit souvent liée à la spiritualité, elle peut également être abordée d'un point de vue laïque comme un moyen de cultiver un état d'esprit positif et d'améliorer le bien-être général. 2. Comment puis-je intégrer la gratitude dans ma routine quotidienne? Il existe de nombreuses façons simples d'intégrer la gratitude à votre routine quotidienne. Certaines suggestions incluent tenir un journal de gratitude, remercier avant les repas, pratiquer la pleine conscience et être présent dans l'instant présent, ou exprimer sa gratitude envers les autres par des mots ou des gestes gentils. Trouvez une pratique qui vous parle et intégrez-la régulièrement à votre vie. 3. La gratitude peut-elle m'aider dans les moments difficiles? Oui, pratiquer la gratitude peut être particulièrement bénéfique dans les moments difficiles. Cela nous aide à détourner notre attention de la négativité et à nous concentrer sur les choses pour lesquelles nous devons encore être reconnaissants. En cultivant la gratitude, nous pouvons trouver de la force, de la résilience et même des moments de joie au milieu de l'adversité. 4. Combien de temps faut-il pour ressentir les effets transformateurs de la gratitude? Les effets transformateurs de la gratitude peuvent varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent commencer à ressentir des changements positifs dans leur état d'esprit et leur bien-être général assez rapidement, tandis que pour d'autres, cela peut prendre plus de temps. La cohérence et l'engagement envers une pratique de gratitude sont essentiels. Au fil du temps, à mesure que nous cultivons un état d'esprit reconnaissant et intégrons la gratitude dans nos vies, nous pouvons commencer à être témoins de ses effets profonds sur notre spiritualité et notre croissance personnelle. Page 20, nous allons parler de la prière façon universelle. Page 20.